envoient les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits enfants? On tue 50 gamins pour avoir un terroriste? On paye pas le tiers-monde, peut-être? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas. On connaît les crimes. Le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington. On a vu l'effondrement de la bulle financière. Mais on continue à imprimer de la monnaie pour retarder l'inéluctable. Dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. 8h du mat, je me réveille, je trouve ma vie nulle à chier. T'es dans le cul, je ne pense pas à l'Afrique, je pense à ma moula, à mon fils. Je devrais mieux fermer ma gueule, au moins j'ai de quoi nourrir et de quoi dormir. Les riches viennent vous piller pour maintenir notre niveau de vie élevé. Tous ces parisiens, cette bande de chiens qui ont leur vie dans leur bureau. Dis-moi lequel de ces blaireaux pense à vous. On s'amuse avec les pistolets à eau pendant qu'eux souffrent de déshydratation. Et eux, la guerre, non, ce n'est pas de l'eau. On lance des frappes sur des coalitions, mais parle-t-on des dommages collatéraux? Ses petits enfants, ses parents, personne ne trouve ça gênant. On laisse ces pays crever, tout ça pour de la monnaie. D'ailleurs, allons parler de l'économie. Écrire un chiffre sur un papier, y a-t-il pas plus pourri? Sans déconner, vous pensez encore régner avec leur loi à deux balles. Ils nous maîtriseraient très mal. Le jour où on se soulèvera, faudra pas venir pleurer. République ou tyrannie, sont-ils devenus synonymes? N'est-il pas antonyme l'existence de l'homme éterni? Mais dis-moi, qu'avons-nous fait? Est-ce l'avenir de l'humain? La question que je me pose. Finira-t-on d'un point de main? La goutte du vase qui a débordé suffira-t-elle à les hydrater? Ouais, Carly, je pense pas qu'ils aient compris là. T'es trop gentil, fais un truc. Un truc qui kick ça, ouais. Vas-y, ta carte blanche. Je crois en toi. Les hauts fonctionnaires, à part se branler, dites-moi à quoi ils servent. Ce putain de président, à part se curer les dents, qu'as-tu fait dans sa vie? Si tu me réponds rien, j'en serais ravi. Ils ne voient que profit, à quoi sert donc notre vie? Le pouvoir, c'est l'argent, l'arbitre, c'est monsieur l'agent. Ouais, tu vois, aujourd'hui c'est ta minute du monde et de la vie. Il ne reste plus que des photos, c'est l'argent qui nous a tués. Comment veux-tu rattraper les erreurs du passé? Est-ce normal que mon père m'ait regretté? Dans ce monde qui se laisse aller, je ne sais plus où me positionner. Et au Moyen-Orient, y'a les mamans qui pleurent désespérément. Et le petit qui demande à sa maman où est passé son papa. S'il savait, il ne demanderait pas, mais on nous ment. Même problème en Roumanie, jeune fille qui quitte son pays, laisse son papa, sa maman, en pensant trouver un meilleur avenir. Ce qu'elles savent pas, c'est qu'elles seront utilisées, humiliées, gaspillées, jetées comme des mouchoirs en papier. Après les attentats de Paris, on a tous été Paris, mais personne n'a été Palestine ou Syrie. Je me regarde et je me dis putain demain c'est loin. En me demandant chaque soir si j'ai fait le bon choix. Regardez nos frères africains, ils détestent les Européens, mais aussi les Ricains. Ils étaient tous riches mais on a fait que le payer. C'est donc ça la fraternité. Le pétrole c'est notre avenir, on nous conditionne à mentir. Mais dis-moi qu'avons-nous fait? Est-ce l'avenir de l'humain? Tant de questions que je me pose. Finira-t-on d'un bon main? La goutte du vase qui a débordé suffira-t-elle à les hydrater? La liberté d'expression est une utopie. Trop de choses qui me dégoûtent. Le fait que le FN soit encore là me déçoit. On est de personne, c'est chacun pour soi. Dans la rue j'ai souvent été pointé du doigt. La France se sert de la dame de fer pour témoigner leur soutien. Mais à ce que je vois, elle est assez éloignée. Trop loin pour ne pas entendre à l'aide. Pour agir, moi j'ai choisi la plume. D'autres forgent leur épée à l'enclume. Tant de secrets qu'on nous cache dans des décrets mis en place. Julian Assange, Hammond, Snowden, ce sont les prophètes de notre époque. Les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte. On nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement.